بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va continuer à l'endroit où on était la dernière fois la semaine passée, inshallah. On avait parlé du fait de se moquer de quoi ce soit qui fait partie de la religion, ou de se moquer des savants de l'islam, ou de se moquer quelque chose de la sunna. On a expliqué que ça, c'est quelque chose qui fait qu'une personne va sortir de l'islam. Et on a donné comme preuve le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ » L'ayat qui dit dans surat al-Tawba, verset 65-66, est-ce que c'est d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Et donc le cheikh il a mentionné des exemples, comme le fait par exemple de se moquer de quelque chose qui fait partie de la religion, comme certains des musulmans aujourd'hui qui sont parfois ignorants ou bien qui sont parfois moins pratiquants de l'islam ou pas pratiquants du tout. Et puis, ils se moquent des femmes qui portent le hijab, ou qui se moquent de, par exemple, des frères qui gardent la barbe pour suivre la sunna, l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pour respecter son ordre, son commandement. Par exemple, du siwak, des frères qui se nettoient la bouche avec le siwak, et d'autres personnes qui prennent ça pour se moquer ou se railler d'eux, d'accord? Alors, quelqu'un qui fait ça, automatiquement, et bien entendu, ça c'est se moquer de la religion, parce que c'est quelque chose qui a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, celui qui se moque de cette sunna, c'est comme s'il se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme s'il se moque d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est pour ça que Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a révélé à propos de certains sahaba qui s'étaient moqués de certaines caractéristiques des croyants parmi les sahaba. Il a révélé le verset pour faire comprendre que ces gens-là qui s'étaient moqués des croyants, eh bien, ils avaient quitté la foi à cause du fait qu'ils se sont moqués. Donc, et après, le cheikh, il essaie de faire comprendre aussi et d'expliquer que le fait que quelqu'un dise ou fasse des blagues ou se moque de certains aspects de la religion, le fait qu'il mentionne que c'est pour jouer ou pour s'amuser ou pour rire seulement, le fait qu'il dit « Ah, mais non, je suis pas sérieux, je veux juste dire ça pour me moquer », ça c'est pas une excuse, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, quand ils ont dit « Inna ma kunna nakhud wa nal'ab », on faisait seulement nous moquer et nous amuser, hein, et on voulait pas dire ça sérieusement. Quand on a parlé des croyants et on s'est moqué d'eux, mais on voulait pas dire ça sérieusement, on faisait juste se jouer et s'amuser. Allah subhanahu wa ta'ala après il les a répondu « La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum » « Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. » Ok. Après, donc le cheikh il a mentionné après beaucoup d'exemples, et puis comme le cheikh dit « Wa mithlu hadha al-istihza'u bis-sunnah al-thabita 'an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam » كالذي يستهزئ بإعفاء اللحى وقص الشوارب ويستهزئ بالسواك وغير ذلك أو غير ذلك وكالاستهزاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر comme ceux qui se moquent de ceux qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal. Ça aussi c'est un exemple. Après, il mentionne une histoire qui est semblable à l'autre qu'on a lu, qui explique la raison pour laquelle le verset est révélé. Et puis, en fait, c'est une histoire qui explique, par exemple, que lorsque les Sahaba marchaient ou s'en allaient vers la bataille, pour aller à la bataille de Tabouk, et en chemin, il y a certains parmi les gens qui étaient là qui étaient des hypocrites et qui ont mentionné des choses pour essayer de rabaisser les musulmans, de rabaisser les croyants. Hein, ils ont dit par exemple, est-ce que vous croyez que le combat des Romains, la façon dont les Romains font la guerre, parce que lorsque les musulmans sont partis pour Tabouk, ils allaient pour rencontrer un groupe de Romains, une armée des Romains qui était dans cette ville, Tabouk. C'était une ville qui appartenait aux Romains. Alors les musulmans étaient sortis pour les combattre. Et là, donc quand ils étaient en route, parmi les munafiqines, on sait que les hypocrites, ils veulent toujours essayer de semer le doute et semer la crainte dans le cœur des croyants. Toujours essayer d'effrayer les croyants et de leur faire peur en disant « Oh, les non-croyants sont plus forts que vous et ils ont plus de force que vous et vous, nous on est faibles, on ne peut pas les affronter. » Alors, lorsqu'ils ont dit ça, ils ont dit, est-ce que vous pensez que la façon dont les Bani al-Asfar, les appelaient Bani al-Asfar, est-ce que vous pensez que les Romains, ces gens-là, se battent comme les Arabes se battent entre eux? C'est-à-dire, ils essaient en même temps de leur faire peur pour dire, les Romains ne se battent pas de la même façon que nous, ils sont encore plus forts, et puis quand on va les affronter, on va se faire massacrer ou des choses comme ça. Et donc, il y a des sahabis qui ont entendu, un des sahabis qui ont entendu ça, qui était avec eux, et il a pas aimé ça, il a compris que le fait que ces gens-là ont dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala allait faire révéler un verset pour démasquer ces gens-là. Et comme de fait, Allah, il a révélé le verset dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, donc ça a été un des exemples de ce verset-là. Et la personne qui était parmi eux, qui a compris que c'était quelque chose de mal que Allah avait, que ces gens-là avaient dit, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son sujet un verset qui dit « Inna afu an ta'ifatin minkum », c'est-à-dire on va, parmi certains d'entre vous, on va les excuser, parce qu'il y en a qui étaient parmi eux et qui, lorsqu'ils ont entendu les gens dire ces paroles-là, eh bien, ils ont compris que c'était quelque chose de mal, et dans leur cœur, ils ont détesté ça. Alors, ça, c'était une preuve qu'ils étaient des vrais croyants, et donc, Allah subhanahu wa ta'ala allait les pardonner. Après, le cheikh, il mentionne une des citations de l'imam Ibn Taymiyyah, et il dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل إنما كنا نخوض ونلعب وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفرا ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Donc le cheikh l'islam ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé ou a mentionné que ces gens-là avaient mécru après avoir cru. Ceux qui s'étaient moqués des Sahaba, eh bien, ils ont quitté la foi après avoir cru en disant ce qu'ils ont dit. Et ils ont dit par exemple, on a seulement, on a dit ces choses-là, mais on les croyait pas vraiment, on s'est moqué de Sahaba, on s'est moqué de certaines choses qui font partie de la religion, mais on croyait pas en ça, on faisait pas, on disait pas ça sérieusement. Et donc le chef, il dit, yani, le fait qu'ils aient dit, qu'ils prétendent l'avoir dit sans y croire, c'est pas une excuse. Ils ont dit, on faisait seulement nous amuser et jouer. Donc, il dit, ce verset-là, il nous explique que le fait de se moquer des versets d'Allah, c'est un acte de mécréance. Et celui qui le fait, c'est uniquement, c'est-à-dire celui qui se moque de la religion, ou de quelque chose de la religion, il le fait uniquement parce que son cœur est rempli de mécréance. Parce que s'il avait de la foi dans son cœur, sa foi l'aurait empêché de se moquer de la religion. Ok? Et le Coran, dans le Coran, il y a beaucoup d'exemples qui expliquent que lorsqu'il y a de la foi dans le cœur, eh bien, ça implique automatiquement que les actions vont être exprimées à partir de cette foi. Vous comprenez? C'est comme si, lorsque la foi est dans le cœur, eh bien, ça pousse le corps à agir. C'est impossible qu'il y ait de la foi dans le cœur sans qu'il y ait une action qui en sort. Et il mentionne comme exemple de ça un verset dans le Coran, dans Sourate An-Nur, les versets qui commencent de l'ayah 47 jusqu'à 51. Dans Sourate An-Nur, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, et ils disent, nous croyons en Allah et au messager, et on obéit. Puis ensuite, tu vois un groupe parmi eux qui se détourne. Et ceux-là ne sont pas les croyants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nie en fait la foi pour ceux qui, après avoir dit on croit et on se soumet, se détournent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Ceux-là ne sont pas les croyants. Et après Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et lorsqu'on les appelle à Allah et aux messagers pour qu'ils jugent entre eux, alors tu vois qu'un groupe parmi eux se détourne. Parmi les hypocrites, ceux qui prétendent la foi, mais que lorsque Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnent de faire quelque chose, ils leur donnent un jugement, et bien eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se détournent. Après, Allah il continue et il dit, وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقِّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُلْعِنِينَ. Mais si, lorsque par exemple, Allah et le messager les appellent, le verdict est en leur faveur, alors là, ils viennent soumis. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Si le verdict est contre eux, ils se détournent. Mais si le verdict est en leur faveur, alors là, ils viennent vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et vers le jugement d'Allah en soumission. En fait, ils se soumettent à leur passion, pas à Allah et pas à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Est-ce qu'ils ont une maladie dans le cœur? Est-ce qu'ils ont de l'hypocrisie dans le cœur? أَمْ يَرْتَابُوا. Est-ce qu'ils ont des doutes? أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ. Ou bien ils craignent que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager leur fassent une injustice quelconque. Hein? بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. En fait, ce sont eux les injustes. Après, Allah dit, إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. La parole des croyants, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les appelle pour juger entre eux, c'est uniquement qu'ils disent, nous avons entendu et nous obéissons. On entend et on obéit. Ça c'est quoi? C'est la parole de qui? C'est la parole des mu'minins. Les croyants, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur demande quelque chose, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande quelque chose, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on entend et on obéit. Ils n'essaient pas de chercher des excuses, ils n'essaient pas de se détourner, ils se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa ulaika humul muflihun. Et ceux-là, ce sont ceux qui ont le succès, c'est eux qui réussissent. On va arrêter pour la Adhan et on va continuer après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. Donc on continue, le chef il dit Nafal iman amman tawalla an ta'ati rasul sallallahu alayhi wa sallam wa akhbara anna al-mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihim yahkuma baynahum sami'u wa ata'u fabayyana anna hadha min lawazim al-iman intaha kalamuhu. Donc le chef ibn Taymiyyah il termine cette explication en disant que Allah subhanahu wa ta'ala a nié la foi pour celui qui se détourne de l'obéissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a aussi informé que les croyants, lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux, ils entendent, ils écoutent et ils obéissent. Alors, ça c'est clair dans ça que le fait de dire qu'on entend et on obéit, ça fait partie des conditions et des règles de la foi. Celui qui ne fait pas ça, c'est comme si, en fait, c'est une négation de sa foi. Après, le chef Fawzan, il continue, puis il dit « وَبِهِ يُعْلَمْ كُفْرُ مَنْ يَنْتَقِسُونَ الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَةَ وَيَصِفُونَهَا بِأَنَّهَا لَا تَصْلِحُ لِهَذَا الْوَقْتِ الْحَاضِرِ وَأَنَّ الْحُدُودَ الشَّرْعِيَةَ فِيهَا قَصْوَةٌ وَوَحْشِيَةٌ وأن الإسلام ظلم للمرأة إلى غير ذلك من مقالات الكفر والإلحاد نسأل الله العافية والسلامة. Et donc le cheikh il dit وعليكم السلام ورحمة الله. Et lorsqu'on a compris ça, on peut comprendre aussi que on comprend en même temps que celui qui rabaisse la charia islamique et qui l'insulte en la décrivant comme étant inacceptable pour l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, ou en disant par exemple que la charia islamique aujourd'hui elle peut pas être appliquée parce que on est au 20e siècle ou au 21e siècle ou whatever, ou bien que les règles de punition dans l'islam sont des règles barbares ou bien sauvages, ou que l'islam est une injustice pour la femme, etc. Alors, c'est clair que tout ça sont des paroles de kufr, c'est-à-dire des paroles qui nient la foi. Celui qui dit des paroles semblables, eh bien sa foi, elle est automatiquement annulée, parce que ça c'est comme s'il insulte Allah subhanahu wa ta'ala directement. Il insulte la religion d'Allah. Et donc, comme on l'a vu dans le verset, c'est comme si en réalité on se moque d'Allah, on se moque de sa religion, et donc celui qui dit des paroles semblables, il a quitté l'islam. Donc le cheikh il dit nasallallahu al-afiyah et salam. Ensuite le cheikh il entre dans un autre chapitre et ça s'appelle Umurun yaf'aluha ba'dun nas wa hiya min ash-shirk aw min wasa'ilihi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire des choses que les gens font ou que certaines personnes font et qui font partie du shirk, ou qui sont des moyens ou des choses qui nous amènent au shirk. Et là, qu'est-ce que le shirk va faire? Il va énumérer un nombre de pratiques ou de choses qui sont faites par beaucoup de gens parmi les musulmans et qui sont des exemples de chefs. Mais que malheureusement, beaucoup de musulmans ignorent que ce sont des choses qui sont des formes de chefs ou des choses qui amènent au chef. On en a parlé du chef depuis le début, mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il montre des exemples qui sont des formes de chefs. Et parfois, ce sont des choses qui peuvent être shirk majeur, un shirk majeur, c'est-à-dire une forme d'association avec Allah majeur qui fait sortir de l'islam. Et parfois, selon l'intention de la personne, ça peut être une forme de shirk qui est mineure. Tout dépend de la façon dont la personne, qu'est-ce qu'elle croit la personne vis-à-vis de cette chose qu'elle fait. Mais ça, on va mieux comprendre quand je vais donner des exemples. الشيخ يقول هناك أشياء مترددة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بحسب ما يقوم بقلب فاعلها وما يصدر عنه من الأفعال والأقوال ويقع فيها بعض الناس وقد تنافي مع العقيدة أو تعكر صفوها وهي تمارس على المستوى العام ويقع في بعض العوام ويقع فيها بعض العوام تأثرا بالدجالين والمحتالين والمشعوذين وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمور منها يعني donc le cheikh il a expliqué exactement ce que je viens de vous dire tout à l'heure et là il commence à les mentionner un par un. Et comme premier exemple, le cheikh il dit لبس الحلقة والخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه وذلك من فعل الجاهلية وهو من الشرك الأصغر وقد يرتقي إلى درجة الشرك الأكبر بحسب ما يكون بقلب لابسها من الاعتقاد. Donc le cheikh il dit parmi les choses qui font partie du shirk, le fait de porter une chaîne ou un collier porte bonheur. Et de croire que cette chose-là est capable de nous éloigner de quelque mal ou de nous amener un bien ou quelque chose de ce genre. Donc, il dit ça fait partie des actes des gens de l'ignorance, c'est-à-dire des gens qui étaient là avant l'islam. Et le chef, il dit, ça fait partie des formes de shirk mineures. C'est-à-dire les formes de shirk qui sont une faiblesse ou une négligence ou quelque chose qui rabaisse son niveau de foi dans l'unicité d'Allah, mais ça ne l'annule pas au complet. Ça ne fait pas complètement sortir de l'islam. Mais le shirk il dit, mais cette forme de pratique peut arriver à atteindre un niveau de shirk qui est majeur aussi, selon qu'est-ce que la personne a dans son cœur. Et la règle pour distinguer entre ces deux-là, je vais vous l'expliquer en fait, c'est très simple. Par exemple, la personne qui porte un porte-bonheur ou une chaîne et qui pense que cette chaîne, elle est capable par elle-même d'éloigner le mal, qu'elle a un pouvoir par elle-même d'éloigner le mal, celui qui croit ça, en cette chaîne, de cette façon, il a commis un acte de shirk akbar. Il a commis un shirk akbar, c'est-à-dire un shirk majeur, et cette personne-là, elle sort de l'islam. On voit beaucoup de musulmans qui portent une main avec un œil, ou bien avec une pierre bleue dans leur cou, ils portent ça dans leur cou, et ils croient que cette main, que cette pierre bleue est capable d'éloigner le mal. S'ils croient que cette pierre ou que cette main, ou peu importe quel porte-bonheur ils portent, dans leur cou, s'ils croient que cette chose éloigne le mal par elle-même, alors automatiquement, ils ont commis un acte de shirk. Et donc, ils sont en dehors de l'islam s'ils ont cru cela. Ils doivent se repentir à Allah et revenir à l'islam et renouveler leur islam. Par contre, s'ils l'ont porté en croyant que ce porte-bonheur, cette chaîne, qu'est-ce qu'ils portent dans leur cou, s'ils le portent en pensant que c'est une cause qui peut éloigner le mal, mais que ce n'est pas par elle-même qu'elle peut éloigner le mal, alors dans ce cas-là, c'est une forme de shirk asghar, une forme de shirk mineur. qui ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam, mais qui rabaisse son niveau dans sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est très important de comprendre ça. Et puis donc, c'est pas parce, comme je voulais spécifier aussi, c'est pas parce que quelque chose fait partie du shirk asghar, ça veut pas dire que c'est pas grave qu'on peut le faire non plus. Parce que le shirk akbar, c'est là, ça fait quand même, le shirk al-asghar, le shirk mineur, c'est quand même plus grand que les kaba'ir qu'on peut faire d'ordinaire, qui sont les péchés qui font partie des kaba'ir. Le shirk al-asghar fait partie des péchés qui sont plus grands encore que al-kaba'ir. C'est le plus grand des kaba'ir, qu'il soit akbar ou asghar. Donc il faut absolument s'en éloigner et l'éviter. D'accord ? Mais on va en parler justement de ça aussi. Le cheikh il va le mentionner après. Donc, le Cheikh dit que c'est Imran ibn Hussein, radiallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufrin, qala ma hadha, qala min al-wahina, qala inzi'ha, fa innaha la tuziduka illa wahnan, fa innaka la mitta, wa hiya alayk ma aflahta abadan. رواه أحمد بسند لا بأس به وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي. Donc الشيخ mentionne un hadith qui est rapporté par Imran ibn Hussein رضي الله عنه, dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a vu un homme qui portait dans son bras un bracelet de cuivre. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم lui a demandé: qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu portes ça? Et la personne a dit: je le porte pour me protéger contre une maladie quelconque. Alors il a dit: enlève-la, parce que si tu meurs avec, tu ne vas jamais avoir un succès.